cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 pour 2 heures de rock progressif. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour l'animation, la mise en onde et le choix musical. Et cette semaine, nous avons la collaboration de 3 auditeurs qui nous proposent des pièces. Et j'ai nommé Denis Marchand, Noël Douville et Louis Douville. Et je voudrais souligner l'apport de Robert Blanchette et Michel Vandal qui ont donner leurs généreux commentaires. Je vous invite aussi, si vous voulez commenter l'émission ou si vous voulez avoir accès à la discographie des pièces qui sont présentées, vous pouvez aller sur le site, en fait, la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Aujourd'hui à l'émission, nous avons de France Black Noodle Project, nous avons de Belgique Finnegan's Wake, des États-Unis Birds and Buildings, Steve Hughes, d'Angleterre, Trans-Siberian Orchestra des États-Unis, nous avons Herba de Mali d'Espagne, Monarch Trail de Toronto, Bacamarte du Brésil, et pour le bloc 4 de l'émission où nous consacrons au palmarès Rock de Neurones, nous aurons Egg en position 33, qui est une formation britannique du style Canterbury, et les Québécois Dion et Bréjean en position 32. On débute donc l'émission avec la formation française The Black Noodle Project qu'on a entendu aussi à l'émission dans les semaines précédentes. Ils ont 7 albums studio à leur actif et ce qu'on va entendre, c'est extrait du premier album paru en 2004. L'album s'intitule And Life Goes On et ce qu'on va entendre, c'est She Prefers Her Dreams. Alors voici The Black Noodle Project. Thank you. Alors, c'était The Black Noodle Project de France avec la pièce She Prefers Her Dreams et cet extrait du premier album du groupe paru en 2004, And Life Goes On. On enchaîne avec une formation belge, Finnegan's Wake. C'est une formation qui a 7 albums à son actif. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait de l'album, du quatrième album qui s'intitule très à propos Fourth. Et la pièce, c'est Datcha. Alors voici Finnegan's Wake. Thank you. C'était Finnegan's Wake de Belgique avec la pièce Dacha qui est extraite du quatrième album du groupe paru en 2004 et l'album s'intitule Fourth. On va conclure le premier bloc avec une suggestion de Noël Douville, le groupe américain Birds and Buildings. Birds and Buildings qui existe depuis 2008 a deux albums à son actif, de Bantam to Behemoth en 2008 et Multipurpose Trap en 2013. Les deux albums sont assez bien cotés sur Prog Archives avec 4.24 sur 5 avec le premier album et 4.19. Ce groupe-là est né des cendres de groupes du nom de Cerebus Effect et Deluge Grandeur. C'était des précurseurs et le claviériste Dan Britton s'est tourné vers Birds and Buildings et on va entendre la pièce extraite de Bantam to Behemoth. La pièce s'intitule « Birds Flying into Buildings ». C'est vraiment un thème pour eux autres. Alors voici Birds and Buildings des États-Unis. C'était Birds and Buildings des États-Unis avec la pièce Birds Flying into Buildings et c'est l'extrait de l'album Bentham to Behemoth qui est paru en 2006. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec Steve Hughes, qui est en fait un vieux routier du rock progressif. On l'a connu surtout comme batteur pendant une douzaine d'années de la formation Big Big Train. Il a aussi participé à d'autres projets avec The Enid et Johnny Mitchell's Kino et puis aussi Wim Wise de Nick May qui est dans la formation aussi The Enid. Alors, c'est son premier album qui vient tout juste de paraître. C'est une nouveauté. L'album s'intitule Tales from the Silent Ocean. On reconnaît aussi Sean Philkins et Stuart Bell, des musiciens britanniques qui font partie aussi de la mouture de cet album. Et ce qu'on va entendre, c'est Sunshine Willow. Alors voici Steve Hughes d'Angleterre. We'll be right back. To the ones that need them for comfort. Send me out to sea. We cannot be free. We'll be right back. Alors, c'était Steve Hughes d'Angleterre. C'est l'ancien batteur de Big Big Train. C'est son premier album solo. L'album s'intitule, petit moment, The Tales from the Silent Ocean. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Sunshine Willow. Ceux qui ont bien aimé la semaine passée, les pièces de Trans-Siberian Orchestra vont être gâtées cette semaine parce qu'on remet ça avec quatre autres morceaux extraits du nouvel album Letters from the Labyrinth. On va entendre King Runic, Prince Igor, Who I Am et Lullaby Night. Alors voici Trans-Siberian Orchestra, quatre pièces en rafale sans interruption. Thank you. Alors, c'était Trans-Siberian Orchestra avec quatre extraits du dernier album qui vient tout juste de paraître. Et l'album, c'est Letters from the Labyrinth. Après la pause, on est déjà rendu au troisième bloc de l'émission et on débute avec une formation espagnole du nom de Herba d'Amélie. C'est une formation qui vient de faire paraître leur sixième album studio du nom de Interiors. C'est d'ailleurs le meilleur album à date de la formation, si on se fie aux cotes données sur Prog Archives. Cet album-là a 4.4 sur 5, ce qui est pour un folk prog album assez bien coté. On dit folk prog d'Espagne, mais ça se promène pas mal. Il y a du symphonique, il y a du crossover, il y a du jazz rock. C'est une formation multi-instrumentale et avec beaucoup de dextérité et avec une emphase, selon Prog Archive, toujours sur le folk catalan. Alors voici l'Herba d'Amélie avec la pièce Ecstasy Terrenale et ses extraits de Interiors. Thank you. venez d'entendre la formation espagnole Herba de Meli avec la pièce Ecstasy Terrenal et c'est extrait du tout récent album Interiors. Et voici maintenant un groupe de Toronto qui, en fait, c'est le premier album de Monarch Trail. Monarch Trail qui est le groupe formé autour du claviériste et compositeur Ken Baird qui a fait une carrière solo jusqu'à maintenant. Et c'est son premier album de facture progressive. L'album s'intitule Sky et on va entendre la pièce Luminescence. Alors voici Monarch Trail de Toronto. Ash to ash and lie for lie. C'était Monarch Trail de Toronto avec la pièce Luminescence et c'est extrait de l'album Sky. Je rappelle que cette pièce nous a été suggérée par Denis Marchand de Sherbrooke, qui est un fidèle collaborateur de l'émission depuis les tout débuts. Et plus loin encore, je signale que c'est Denis Marchand qui m'a fait connaître dans les débuts des années 70 Les Ormés en me proposant l'album Humo des Pizzas. Et aussi, je me rappelle Socrate de Vangelis et le très bon Il Rovescio de la Medaglia avec leur album Contamination. D'ailleurs, j'ai retrouvé cet album-là sur Internet en vinyle. Je m'en étais départi avec peine. J'ai eu beaucoup de peine, mais là, je l'ai retrouvé. Et la station va se doter d'une table, une table tournante, une platine au début de janvier. Je me propose de faire passer l'album au complet en vinyle. Et plusieurs autres d'ailleurs, dont Les Ormés, Felona et Serona, on aura tout ça sur vinyle en janvier. Donc, on va vous proposer un groupe du Brésil. C'est une suggestion de Louis Douville. Et le groupe qui nous est suggéré, c'est Bacamarte. Bacamarte est une formation brésilienne avec deux albums. Le premier en 1983 et après une longue éclipse de 16 années, il y en a eu un deuxième en 1999. Mais ce qui nous est suggéré, c'est le premier album Depois do Fim. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Ultimo Entardecer. Un petit instant, Entardecer. Alors voici Bacamarte. Yeah. D'entendre la formation brésilienne Bacamart avec la pièce Ultimo Antar Dessert. Et c'est extrait du premier album de la formation, Depois do Film, qui est paru en 1983. Nous sommes maintenant rendus au palmarès Rock de Neurone, des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et nous allons en position 33 avec la formation britannique Egg. Egg, qui est un trio formé du claviériste Dave Stewart, du bassiste Mont Campbell et de Clive Brooks à la batterie. C'est un groupe qui a trois albums à leur actif, sans nommer toutes les ramifications qui ont eu lieu après, là, avec Can, avec Gong, National Health, Hatfield and the North, et j'en passe, avec plus tard l'addition de Steve Village dans les pièces, c'est-à-dire avec Dave Stewart. Mais ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est le premier album du groupe qui est paru en 1970. C'est un album éponyme et on va entendre deux extraits qui, en fait, sont les mouvements 1 et 4 de la symphonie numéro 2. Alors voici Egg. Thank you. C'était la formation britannique Egg en 33e position du palmarès Rock de Neurone avec les mouvements 1 et 4 de l'album de la symphonie numéro 2 de l'album éponyme paru en 1970. On va conclure l'émission avec la position 32 du palmarès Rock de Neurone. On a une formation québécoise du nom de Dionne et Bréjean, dont on connaît trois albums, en fait deux albums en 1976 et 1977, et Bréjean, de sa part, a fait un album solo en 1979. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait de l'album 2 paru en 1977, et la pièce s'intitule Campus. Alors voici Dionne et Bréjean.